18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro underground. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Convergence. Aujourd'hui, nous recevons notre troisième invité du mois avec le collectif Yuma. Il est représenté par l'artiste Marzaïs. On va changer de formule, on va débuter par le live de Marzaïs. Donc il nous a réservé un live progressive techno avec des mélodies, mêlées entre mélodies. Ensuite, Marzaïs viendra prendre le micro pour nous parler du collectif Yuma et de ses acteurs et des actions qu'il mène au sein du collectif. On vous souhaite une très bonne émission et on vous dit à tout à l'heure. We'll be right back.

und reißen die Menschen aus dem Schlaf. Desperately precious. Thank you. Vous êtes toujours sur Croc Radio. On a pu déguster un super live de Monsieur Marzais. Je sais pas si vous, derrière votre écran, vous avez dansé, mais on peut vous dire que nous, ça a bien bougé hein, de ce côté-là. Alors, donc nous, on va embrayer sur une petite interview de monsieur pour essayer de comprendre un peu tout le collectif de Yuma, savoir ce qu'il peut vous proposer. Donc, je vais lancer notre cher Yoz, et encore merci pour ce super live. Ouais, super live, merci. Merci Mardiz. Merci à vous. C'était merci. Bien décapant, comme on dit. Quoi. Merci beaucoup. Donc, Yuma, c'est un collectif lyonnais multigénérationnel. Exactement. Créé en 2017 suite à la fermeture de Divi One. Exactement. C'est une association composée de DJ, de compositeurs, axée sur les cultures de musique électronique. Exactement, tout à fait. Du coup, vous êtes dans la structure, vous êtes 7 artistes, 7 collaborateurs, oui. Sans les artistes, il y a tout aussi le staff arrière, comme les photographes, web designers, managers techniques, développeurs web, community manager, chargé de projet. Ça fait une bonne équipe en fait. Tout à fait. On commence à monter, à avoir une grosse équipe structurée et c'est super intéressant parce que du coup ça promet un bel avenir forcément. Ah, voilà. Ouais. En plus avec les anciens Anton, Jamensi qui sont là pour chapeauter un peu le truc et nous amener leur expérience à nous les jeunes qui arrivons et enfin qui essayons de prendre la suite en fait. Yes. Donc c'est super intéressant. Voilà, y a un gros partage. Bon, en tout cas, on vous voit assez régulièrement sur Lyon dans vos soirées, assez résolument techno aussi. Ça fait c'est bien la part votre part artistique. Mm-hmm. Donc qui a l'initiative de ce collectif? Alors c'est Ben Sonaron, voilà, un des anciens résidents du Divi One, qui est avec Anton et comme je disais avec Jamensi là, qui sont un peu au commandement, on va dire. On va changer de micro pour Yoz. Vas-y, on change. Hein. Vas-y, problème technique, c'est parti. On t'entend mieux là. Hein. Il fallait. Vas-y, on voit. Donc oui, voilà, c'est surtout Ben qui chapeaute le truc. Et puis après, nous, on est là, on se rend disponible et on fait le maximum pour organiser, avancer. Voilà. D'accord, très bien. Bon, Parle bien devant ton micro, Yoz. Je parle pas assez près là. Ouais, c'est mieux là, très bien. Ok, excusez-moi. Tu vas pas engueuler, attention. Peux-tu nous parler de toi, du coup, de tes projets, d'où viens-tu On peut voilà. Un petit peu. Voilà, du coup, moi je suis au Alpin, je viens de Gap. Je pense que vous avez un petit peu entendu l'accent. Voilà, donc ça fait un petit moment que je mixe, ça fait, on va dire, plus de 15 ans. Et voilà, c'est vraiment une passion, c'est un univers qui est super intriguant dans tous les aspects, que ce soit danse, que ce soit lumière, que ce soit sur tous les aspects artistiques qu'il peut y avoir autour de la musique en fait. Et pouvoir partager ça avec des gens et avoir une osmose, un truc autour, c'est juste génial. Donc l'objectif, c'est d'arriver à progressivement arriver à en faire, on va dire, pas son métier, mais d'avancer le plus loin possible là-dedans. Et d'en faire le maximum, d'en profiter à chaque date. De s'amuser, quoi. Ouais, voilà, clairement. Okay. Résolument s'amuser. Bon. Quelles sont les prochaines dates où on peut aller voir Alors, on va voir le terminal. On a une résidence tous les 2 mois avec Huma. Moi, je serai sur celle en mars, si je ne dis pas de bêtises, avec Kim et Pixa. Donc, des artistes... Ils viennent d'où, ces artistes? Ukrainiens, je crois. Okay. Il me semble. Je veux pas dire de bêtises. Si je me trompe, c'est la honte. Je vais jouer avec eux, ça va faire le mec mal renseigné. C'est genre bien techno. Plutôt, ouais, assez techno, progressif, ouais. Mm. Voilà. Après, dans les projets, on va déjà se remettre de celle d'hier soir avec Timid Boy. Comment ça s'est passé hier? C'était très, très cool. Ouais. Vraiment. Ouais, très bonne ambiance. Les gens étaient. Répondez. Réceptif, vraiment. Réceptif plutôt, pardon. Réceptif, tout à fait. Ouais, non, c'était une très très grosse ambiance, donc c'était vraiment un très bon moment. Voilà. D'accord. Voilà. Et puis après, on a des collaborations qui sont en train de se mettre en place sur l'extérieur de la France un petit peu. On va essayer en fait de travailler avec, avec différents collectifs, essayer de faire des partenariats. Mmh. Tout ça dans le but de faire des échanges en fait, et que nous puissions aller jouer avec eux, se représenter avec des artistes d'autres collectifs et que eux puissent venir jouer avec nous et simplement se rendre, faire un ping-pong. Voilà. C'est toujours mieux de d'écouter plein d'artistes qui à droite à gauche, c'est de jouer avec eux, de faire des rencontres. C'est un peu ça aussi, la musique électronique. Exactement, toutes les expériences sont bonnes à prendre et prendre des univers de chacun. Voilà. Tout à fait. Bon, est-ce que as-tu fini de le cuisiner, mon cher David? Pardon? Est-ce que tu auras des questions de ton côté à poser? Mon côté? Bah écoute, tu as bien fait le tour de tout. Est-ce qu'il y a des collabs autrement? Pas de production ensemble, pas de projet de ce côté-là? C'est que vraiment c'est DJ, hein. C'est DJ. Après, il y a Anton et Jamency et 9MA2 qui sont sur la production. Ouais. Voilà. Eux, c'est plus leur domaine. Moi, je suis quand même plus axé sur le DJ set. Mais okay. Oui, les autres ont leur projet perso et il y a des belles choses qui vont arriver aussi. Excellent. Ça. Voilà. De très très belles choses. Pas de projet à lâcher en exclu ou des EP qui devraient sortir ou alors des travails en collab peut-être Non, pas pour l'instant. Tout ça, c'est encore un peu dans les tuyaux. On essaye de tout mettre en place pour essayer justement de proposer quelque chose. Donc voilà. D'accord. Je vais pas faire de scoop ce soir, je suis désolé, mais non, voilà, on y travaille sérieusement. On y travaille sérieusement. Super. Vous avez un podcast, il me semble aussi, non, à écouter sur Mixcloud, ouais. On a une chaîne sur Mixcloud. Oui. Où on peut retrouver quelques podcasts de chacun des artistes en fait, chacun a fait pour l'assaut, et on va essayer ben là cette année de relancer la machine aussi et peut-être de publier plus de choses, avoir plus de contenu, plus d'actu, ce qui fait que l'assaut sera vivante en fait, encore plus. Voilà, il faut répondre aux attentes d'aujourd'hui. Parfait. Bon, en tout cas, on te remercie d'être venu. On s'est régalé sur le live. C'est moi qui vous remercie. Beaucoup, ouais. Merci beaucoup à vous. Donc on mettra les liens pour vous retrouver pour Yuma. Il y a le site yuma.fr. C'est ça. Et puis, on vous souhaite une bonne route continue pour la suite de vos événements. Et n'hésitez pas à adhérer aussi sur la page de Yuma. Voilà. Exactement, l'info est passée. Donc, un petit like tout de suite. Là. Exactement. Voilà, pour prendre un peu de gamme et puis pour les suivre. Il y a beaucoup de beaux projets qui se préparent. C'est ça. Tout à fait. Super. Tout à fait. Merci encore à vous. Merci beaucoup. Tant pis. Merci. Nous, on va terminer avec l'agenda. Petit agenda avec les bons plans à faire. Donc, ce soir... On se retrouve au Sucre, où vous avez notre cher Pablo Valentino qui vous propose sa soirée résidence Children of the Drum. Donc il y a encore des places, profitez-en parce que ça se remplit très vite. Vous avez également nos chers amis du Paradoxe qui proposent depuis 16h de l'après-midi. Donc c'est un concept, ça s'appelle Premier Fruit. C'est organisé par Pomme Sanguine. Vous pouvez retrouver des bacs de vinyle. Donc pour les diggers, c'est l'endroit, the place to be, hein, comme on dit, à faire. Donc je pense que d'ailleurs, vous deviez être tous. Vous avez des conférences, des DJ sets. Et vous avez même des pommes bio locales à volonté. Donc n'hésitez pas. Donc notez bien l'adresse, 26 rue du Sergent Blandan. Voilà. Et puis dernier coup de cœur, donc ça se passe la semaine prochaine. Alors ça démarre du 22 jusqu'au 14 février, 22 janvier, hein, c'est le Zoo Art Show. Donc ils avaient campé l'ancien lieu de la Croix-Rouge à Lyon. Donc ils exposent des superbes toiles, donc street art. Et là, ils vont occuper les Halles Bocuse. Donc vous retrouvez des expositions urbaines d'artistes. Voilà, donc c'est au Hall de Bocuse. Donc voilà, au Hall de Lyon, vous connaissez l'adresse. Donc pour aujourd'hui, on en a terminé. On a encore 5 petites minutes. On va se passer. On va terminer sur un son. Donc on a en fond. Et puis Monsieur Marzès veut intervenir encore. Alors, tu me disais ? Ouais, j'ai oublié une des dates. Alors, attends, là, c'est bon, le micro est envoyé. Ouais, non, j'en ai oublié une. J'ai oublié nos amis du cartel aussi. Ah bah oui. Qui nous reçoivent régulièrement, qui nous offrent une résidence aussi. Et un lieu où, pareil, on va pouvoir s'exprimer et pas forcément jouer ce qu'on joue en club. Et voilà, avoir une vibe différente. Ok. Donc, le cartel, à nous retrouver là-bas. Yes. Bon, super. Et moi, j'en ai oublié une aussi. Oui, vas-y, balance. J'en profite parce que... Donc vous pourrez me retrouver moi-même et Alex Ba samedi prochain. Parle bien dans ton micro, on t'entend samedi pas. Prochain au Bistou Fly. Yes. Bistou, voilà. C'est où? Rue Fargue. Un rue Farge. C'est ça. C'est ça. Hôtel de ville. Place à Tonnet, tout simplement. Exactement. Le bar à bisous. Voilà. On va vous dire tous, chers auditeurs, on vous remercie déjà de nous avoir suivis. On va terminer, donc, comme je vous le disais, sur un son que notre cher Marseille met en fond. On va le mettre un peu plus fort pour que vous puissiez l'apprécier. Vous pouvez nous retrouver tous les samedis, hein, entre 18 et 19h. Vous pouvez nous retrouver et nous réécouter, pardon. Nous réécouter justement sur Spotify, Mixcloud. Et vous avez pu apprécier le live. On vous souhaite une très bonne fin de journée. Bon samedi, éclatez-vous bien. Et on vous dit à la semaine prochaine. Salut à tous. Salut à tous. Salut. Living the fight, with guts on the streets, written on the walls. Living the fight, we don't give up, we're just breaking the force. Living the fight, give us a name, we'll give you a song. Living the fight, we'll send you flowers from the top. Living the fight, with guts on the streets, written on the walls. We don't give up, we're just breaking the force. Live in the fight, give us a name, we'll give you a song. Live in the fight, we'll send you flowers from the top. Live in the fight, we got so much to do, it's written on the walls. Live in the fight, we don't give up, we're just breaking the force. Live in the fight, give us a name, we'll give you a song. Live in the fight, we'll send you flowers from the top. Live in the fight, we've got so much truth written on the walls. Live in the fight, we don't give up, we're just breaking the force. Live in the fight, give us a name, we'll give you a song. Live in the fight, we'll send you flowers from the top. Live in the fight, live in the fight. Live in the fight, live in the fight. Live in the fight, live in the fight. Live in the fight, live in the fight. Convergence. Culture et musique électro-underground.